La vie des fourmis de Maurice Maeterlinck. Introduction. On m'a plus d'une fois demandé pourquoi je ne complétais pas le triptyque des insectes sociaux, dont les deux premiers volets, la vie des abeilles et la vie des termites, avaient été favorablement accueillis. J'ai longtemps hésité, je croyais la fourmi antipathique, ingrate, et trop connue. Il me semblait assez inutile de répéter, à propos de son intelligence, de son industrie, de sa diligence, de son avarice, de sa prévoyance, de sa politique, des notions qui font partie du patrimoine commun que nous acquérons dès l'école primaire, et qui traînent dans toutes les mémoires parmi les débris de la bataille des Thermopyles ou de la prise de Jéricho. Ayant toujours vécu à la campagne beaucoup plus qu'à la ville, je m'étais naturellement intéressé à cet insecte, inévitable. À l'occasion, je l'avais même enfermé dans des boîtes vitrées, et sans but et sans méthode, y avais observé ses allées et venues affairées, qui ne m'apprenaient pas grand-chose. Depuis, revenant sur mes pas, je me suis rendu compte qu'à son sujet, comme au sujet de n'importe quoi sur cette terre, en croyant tout savoir, nous ne savons presque rien, et que le peu que nous apprenons nous montre d'abord tout ce qu'il nous reste à apprendre. Il nous montre surtout les difficultés de la tâche. La ruche ou la termitière forme un bloc, dont on peut faire le tour. Il existe une ruche, une termitière, une abeille, un termite type. Au lieu qu'il y a autant de fourmilières que d'espèces de fourmis, autant de mœurs différentes que d'espèces. On ne tient jamais son objet, on ne sait par quel bout le prendre. La matière est trop riche, trop vaste, elle se ramifie sans cesse et l'intérêt s'égare et se disperse dans toutes les directions. Aucune unité n'est possible, il n'y a pas de centre. On n'écrit pas l'histoire d'une famille ou d'une ville, mais les annales, ou plutôt les éphémérides, de 100 peuples divers. Ajoutez que dès les premiers pas, on risque de perdre pied dans la littérature myrmécophile. Elle est aussi abondante que la littérature apicole qui compte, au bureau entomologique de Washington, plus de 20 000 fiches. L'index bibliographique que donne Wheeler à la fin de son volume intitulé « Hans » couvrirait 130 pages de ce livre. Il est loin d'être complet et ne mentionne pas les publications de ces 20 dernières années. Il faut donc se borner et se laisser guider par les chefs de file, sans nous attarder aux précurseurs Aristote, Pline, Aldrovandi, Swammerdam, Linné, William Gould, De Geer et quelques autres. Arrêtons-nous un instant devant celui qui est le véritable père de la myrmécologie, René-Antoine Ferchaud de Réaumur. Il en est le père, mais c'est un père que ses enfants n'ont pas connu. Le brouillon de son Histoire des fourmis, enseveli parmi ses derniers manuscrits, avait été signalé par Flourens en 1860 et depuis complètement oublié. Le grand myrmécologue américain W. M. Wheeler le découvrit en 1925 et l'année suivante en publia à New York le texte français accompagné de notes et d'une traduction. Cette histoire n'a donc exercé aucune influence sur les entomologistes du siècle dernier, mais elle mérite d'être signalée parce qu'elle peut se lire avec fruit et non sans agrément, car Réaumur, qui avait 32 ans à la mort de Louis XIV, écrit encore la langue de la bonne époque. On y trouve en germe, et souvent mieux qu'en germe, c'est-à-dire presque à l'état parfait, un certain nombre d'observations qu'on croyait d'avant-hier. Ce petit traité, d'ailleurs inachevé, et qui ne compte qu'une centaine de pages, renouvelle, ou plutôt instaure la myrmécologie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il commence par détruire une foule de légendes et de préjugés qui, depuis Salomon, Saint-Jérôme et le Moyen-Âge, embroussaillaient les abords de la fourmilière. Avant tout autre, il a l'idée d'observer les fourmis dans ce qu'il appelle des poudriers, qui étaient, comme il les définit, des bouteilles de verre telles que celles des cabinets des curieux, dont l'ouverture a presque autant de diamètre que le fond, inaugurant ainsi les nids artificiels qui, depuis, ont rendu tant de services aux entomologistes. Il constate que la fourmi, comme l'expérience l'a confirmé, peut vivre près d'un an sans nourriture, dans de la terre humide. Il comprend l'importance et la signification du vol nuptial, et le premier explique pourquoi les femelles ont des ailes qu'elles perdent subitement après l'hymen, alors qu'on était convaincu qu'elles ne leur poussaient que dans la vieillesse, en guise de consolation, afin qu'elles puissent mourir avec plus de dignité. Précédant W. Gould, il note la manière dont une reine fécondée fonde une colonie. Il s'occupe de la ponte des œufs et entrevoit l'endosmose qui donne la clé de l'inexplicable énigme de leur croissance. Il décrit de quelle façon la larve où la nymphe commence son cocon, dont l'étoffe, comme il le fait remarquer, faite de plusieurs couches de fils collés les uns contre les autres et si serrée qu'on la prend droit pour une membrane si on ne savait pas comment elle a été travaillée. Il n'omet pas la régurgitation qui est, nous le verrons plus loin, l'acte essentiel et fondamental de la fourmilière. Il a même l'intuition des phototropismes qui jouent un rôle si important dans les premières manifestations de la vie. Et, après quelques erreurs vénielles, il n'en commet qu'une assez grave. Il confond les fourmis avec les termites. Mais cette confusion était alors presque inévitable et la distinction ne fut définitivement établie qu'à la fin du XVIIIe siècle. Négligeons, à regret, mais il faut abréger, des entomologistes intermédiaires. Leeuwenhoek, qui s'occupa des transformations. Latreille, qui ébaucha les premières classifications. Charles Bonnet, le grand naturaliste philosophe, qui décela la parthénogenèse des pucerons, bétail des fourmis, et plusieurs autres, pour pénétrer tout de suite et de plein pied dans la myrmécologie contemporaine. Dès l'entrée, saluons Pierre Hubert, fils de François, le révélateur des abeilles, et tous deux citoyens de Genève. Leur compatriote, Auguste Forel, qui s'y connaît puisqu'il est avec Wassmann, Wheeler, Emery et quelques autres, l'un des grands myrmécologues d'aujourd'hui, déclare que les recherches sur les mœurs des fourmis indigènes de Pierre Hubert, publiées en 1810, sont la Bible de la myrmécologie. Il n'exagère pas. C'est une œuvre dont la prolixité charmante a seule un peu vieilli. Elle eut à son apparition un grand retentissement et fut vivement attaquée. Mais ses observations minutieuses et presque paternelles sur les noirs cendrés, les mineuses, les amazones qui de son temps portaient des noms familiers et sont devenues les pratensis, les rufis barbis et les polyergus rufenscens de la science, ont résisté à plus d'un siècle de contrôle et n'ont pas été prises en défaut. Il part du reste d'un excellent principe qu'il n'a jamais perdu de vue et qui est devenu la règle fondamentale de l'entomologie. « Plus les merveilles de la nature ont d'attrait pour moi, nous dit-il, moins je suis enclin à les altérer par le mélange des rêveries de l'imagination. » Si d'après Forel, les recherches sur les mœurs des fourmis indigènes sont la Bible, les fourmis de la Suisse de Forel sont la somme de la myrmécologie. La deuxième édition, notamment, paru en 1920, forme la véritable encyclopédie de la fourmi, où rien n'est laissé dans l'ombre, mais qui a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'elle est trop touffue, que la multitude des arbres empêche de voir la forêt, et qu'on finit par s'y perdre. Du reste, rien n'égale la sûreté, l'exactitude de ses observations, l'étendue et la loyauté de son érudition. Il n'est guère possible de parler de la fourmi sans lui devoir le tiers de ce qu'on en dit. Il est vrai que lui-même doit à d'autres spécialistes les deux tiers de ce qu'il nous apprend. C'est ainsi que marche la science qui déborde de toutes parts les jours trop courts de l'homme. Ou, si vous le préférez, c'est ainsi que marche l'histoire, car la myrmécologie n'est au fond que l'histoire d'une peuplade insolite. Comme toute histoire, il faut souvent la reprendre, la remettre au point. Et 10 existences humaines bout à bout ne suffiraient pas à réunir les observations que nous possédons aujourd'hui et qui sont le fruit de près de 2 siècles de travail. Il s'agit de tirer de ces petits faits innombrables, en apparence hétéroclites et incohérents, une signification, une idée générale. Il est plus facile de le tenter que d'y réussir. Après Forel, nous avons Wassmann, un jésuite allemand, dont le nom revient à chaque page de la myrmécologie. Il s'est attaché surtout aux races esclavagistes et a consacré 30 ans à l'étude effarante, comme nous le verrons plus loin, des parasites de la fourmilière. C'est un observateur admirable, d'une patience, d'une lucidité exemplaire. La simple nomenclature de ses livres, de ses brochures et de ses articles de revue prendrait une 12aine de pages de ce volume. Regrettons seulement qu'aux instants où les explications deviennent difficiles, le théologien ou le casuiste se superpose au savant et s'efforce d'excuser ou de glorifier un Dieu qui trop manifestement est celui de son ordre. Avec William Morton Wheeler, professeur d'entomologie à l'université d'Harvard, ce n'est plus la théologie mais la pensée humaine qui se mêle à la science purement objective et qui la vivifie. Wheeler, en effet, et non seulement un observateur aussi scrupuleux, aussi fécond que Forel et Wassmann, c'est en outre un esprit qui voit plus loin et plus profondément, et sait tirer de ce qu'il a vu des réflexions et des idées générales qui ont plus d'envergure que celles de ses collègues. Il faut mentionner encore l'ingénieur Charles Janet, dont les innombrables études, recherches, communications, monographies précises, nettes, impeccables et ornées de planches anatomiques devenues classiques, n'ont cessé, depuis près de 50 ans, d'enrichir la myrmécologie comme bien d'autres sciences. C'est un de ces grands travailleurs auxquels on ne rend justice qu'après leur mort. Il ne faut pas non plus oublier l'Italien C. Emery, le grand classificateur qui s'est consacré au travail ingrat, aride, mais nécessaire, qui consiste à établir le signalement détaillé et technique, la fiche myrmécologique, si l'on peut dire, de la plupart des fourmis, afin qu'on puisse les identifier sans erreur. Il est probable que de bonnes photographies en couleur, avec agrandissement, remplaceront peu à peu ces signalements qui sont aussi décevants que ceux des passeports. D'autres spécialistes, notamment Bondroit et Ernest André, se sont imposés la même tâche. Ernest André est en outre l'auteur de la seule monographie vulgarisatrice et accessible que nous possédons. Malheureusement, elle date quelque peu, puisqu'elle remonte à près d'un demi-siècle, c'est-à-dire à un moment où Forêt venait à peine de donner sa première version des fourmis de la Suisse et où Wassmann et Wheeler commençaient leurs travaux. Il ignore, entre autres, les fourmis champignonistes, qu'on appelait alors les coupeuses de feuilles, parce qu'on croyait qu'elles se bornaient à les découper pour en tapisser leurs galeries. Il ignore également les extraordinaires fourmis à navettes, les dernières observations sur les dorylines visiteuses, les expériences les plus intéressantes sur le sens olfactif et sur l'orientation, la façon tragique dont se fonde une colonie, etc. D'autre part, il accueille peut-être trop facilement, bien qu'avec des réserves, certaines fantaisies attendrissantes sur les cimetières de nos hyménoptères fouisseurs, sur leur culte des morts, les cortèges funèbres, les enterrements de première classe, les concessions à perpétuité, etc. Alors qu'ils se bornent à se débarrasser promptement des cadavres qu'ils portent hors du nid et qu'ils ont le tact de ne pas dévorer comme les termites, probablement parce qu'ils ne pourraient les digérer. Mais bornons ici une énumération qui deviendrait fastidieuse. Les autres noms défileront au cours des pages qui vont suivre. On se dira peut-être que des centaines d'hommes qui n'étaient pas les premiers venus et auraient pu faire tant d'autres choses plus profitables ont perdu beaucoup de temps et se sont donné bien du mal pour tâcher d'éclairer l'existence et de pénétrer les minuscules secrets de fort petites bêtes. Mais il n'y a grand ni petit quand il s'agit des mystères de la vie. Tout est sur le même plan, tout à même hauteur, et l'astronome travaille au même niveau et dans la même matière que l'entomologiste. Il n'existe point de hiérarchie dans les sciences, et la myrmécologie en est une, et qui sert de plus près que bien d'autres les plus subtils contours des plus tragiques, des plus désespérants problèmes. D'un certain point de vue, la plus misérable fourmilière, raccourcie de nos propres destins, est plus intéressante que le plus formidable amas globulaire des nébuleuses extra-galactiques où grouillent des millions de mondes, des milliers de fois plus énormes que notre Soleil. Elle nous aidera peut-être plus vite et plus efficacement à démêler la pensée et l'arrière-pensée de la nature et certains de ses secrets qui, sur la Terre et dans les cieux, sont partout identiques. Afin de nous intéresser, comme il est juste et nécessaire, à des vies qui ne sont pas à notre échelle, supposons qu'il s'agisse de l'histoire d'une race préhumaine qui aurait passé sur la Terre quelques milliers ou millions d'années avant notre arrivée. Rien ne nous dit qu'il n'en ait pas eu, comme rien ne nous affirme que ne surgira pas une race post-humaine quelques milliers ou millions d'années après notre départ. Dans l'infini du temps, le passé et l'avenir sont interchangeables.